Oh, c'est parfait parce qu'il y a chou dans le chachou, donc j'ai 40 résultats. Ça va être cool ça. Bonsoir. Comment ça va? Ça se trouve, ce sera pas du tout le soir quand tu regarderas, donc je vais m'arrêter tout de suite et poser ma lettre de démission. Moi, je suis chou. Salut chachou, voilà. Donc là, c'est pas moi. Chachou, occupe-toi de tes fesses. C'est toujours pas moi. Chachou, bonne idée de repas pour... bonne idée pour le repas de ce soir. C'est toujours pas moi. Chachou, on tient ça de maman. En même temps, c'est toujours pas moi. Chou et fleurs. Wouhou! Attends, viens 2 secondes. Oh, ben je mets l'enregistrement en pause. Et pour une fois qu'elle fait la vaisselle. Ah, en fait, je viens de faire venir Tuki pour qu'on se mette d'accord sur la façon de faire une réplique, mais du coup, elle reste au-dessus de mon épaule parce qu'elle croit qu'on va la faire ensemble Ah, ok. Merde. là. C'est pas grave. Wouhouhou! Wouhouhou! Wouhouhou! Oui, c'est moi. Tigrou, T-I-double grou. Wouhou! Non, mais c'est pas ça. Wouhouhou! Elle est fleur. Elle est fleur. Mais attends. Non, attends 2 secondes. Voilà, hein, donc je suis allé revoir ma voix et j'avais pour vérifier en fait la voix que je faisais dans les profondeurs et mes soupçons se sont confirmés, j'ai une voix de merde. Bon, voilà. Elle est fleur. Nous sommes chou et fleur. Ok. En fait, reviens. Nous sommes chou. Et fleurs, ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleurs. Nous sommes chou et fleurs, ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleurs. Ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleurs. Ne vous avisez pas de nous appeler chou-fleurs. Elle a dit que je faisais trop grave. Alors, du coup. Quoi? Mais t'es malade! Pourquoi tu les as pas butés, brûlés? Butés slash brûlés. Oula, oula, du calme! Oula, oula, du calme! Oh, on se calme! Calmos, les amis! Oula, du calme! Oula, du calme! On s'est révolté! On s'est révolté. Eh ouais. Ah bah oui, évidemment, j'avais pas lu avant. On s'est révolté. Libéré. On ne veut pas travailler pour les mecs qui ont si peu de morale. Mais non, mais ça marche pas du coup. Libéré. On s'est révolté. Libéré. Oui. C'est marrant parce que c'est pareil dans... Comment ça s'appelle? Pépin sous le chalet, et c'était toi qui chantais des livrets. C'est encore toi là. Okay. On veut pas travailler pour des mecs qui ont si peu de morale. On veut pas travailler pour des mecs qui ont si peu de morale. Et de fric. On ne veut pas travailler pour des mecs qui ont si peu de morale. Non, chou et fleurs. Les filles, il y a les... trucs. Oh, c'est chaud ça. Si on peut se rendre utile. On peut venir vous aider si vous voulez. Si on peut se rendre utile. Si on peut se rendre utile. Si on peut se rendre utile. Pouvons-nous nous rendre utiles ? Pardon, petit chat. Oh, je lui ai mis une baffe sans faire exprès. Faut que j'arrête de jouer avec les mains. Bah, si on peut se rendre utile. Ah, là, il y a encore Chachou. Du coup, là, cette fois-ci, Chachou, c'est Charlotte. Faut faire gaffe. Hein. Chachou et Chou et Fleur. Il n'y a que les gaufres qui font vendre plus de gaufres. Ça n'a rien à voir avec les mini-jupes. Moi, je trouve que ça vous va bien. Moi, je trouve que ça vous va bien. Moi, je trouve que ça vous va bien. Moi, je trouve que ça vous va bien. Et après, on peut voir. Moi, je trouve que ça vous va bien. Ah, là, il y a chou, mais c'est le chou de chouette. Quelqu'un peut me passer le chamallow ? Fleur, tu me passes le paquet ? Non. Ok. Fleur, tu me passes le paquet ? Non. Fleur, tu me passes le paquet ? Mais ça suffit, enfin. Elle me répond à chaque fois, elle me dit non. T'es vraiment pas du bon côté, Fleur. Ce serait plus simple si tu me le passais pour que je puisse lui passer à mon tour. T'es vraiment pas du bon côté, Fleur. Ce serait plus simple si tu me le passais pour que moi je puisse lui passer à mon tour. Tu n'es vraiment pas du bon côté, Fleur. Ce serait plus simple si tu me le passais pour que moi je puisse lui passer à mon tour. Ah merci, c'est chou. Ah non, moi c'est Fleur. Moi je vous trouve chou. Moi je vous trouve chou. Attends. Moi je vous trouve chou. Moi je vous trouve chou. Ah. Ah, attention. Ah. Oui, c'est moi, Denis Brogniart. Ah. Ah, ok. Ah. Ok. Dis quoi? Ah bon? Ah bon? Même Franck. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah! Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? J'aime beaucoup trop dire ce mot, je le dis beaucoup trop souvent. Ah, là j'ai chouette et chouette encore. Chouette, chouette. Ouais. Très chouette pour vous, ouais. Très chouette, voilà. Je boude les choux. Moi c'est chouette. Ouais. Très chouette. Très chouette. C'est très chouette pour vous, hein? Ouais. Moi, je vous applaudis avec mes deux mains. Bon, là, elle bouge pas sa main, Fleur, donc je vous applaudis avec ma main toute seule sur son bras, mais... Ouais, très chouette pour vous. Ouais, très chouette pour vous, ouais. Ouais, très chouette pour vous. Lâche-moi la grappe, Fleur. Lâche-moi la grappe, Fleur. Lâche-moi la grappe, Fleur. Lâche-moi la grappe, Fleur. Sinon, je vais te défoncer. Oh, le petit, il est encore sorti. Je crois que je suis où ? Et ouais, là, c'est chouette et chou. J'espère que Chachou. Bon, bah voilà, bah, tu me dis. Tu m'envoies et tu me dis quand est-ce qu'il faut que je recommence. Allez, à plus.